بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن صديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني جويرية بنت الحارث المستغلقية صباها يوم المريسية كانت بنت 20 سنة توفيت سنة 56 دافرة. وغيسون نكون في صحن ينتي بي صلى الله عليه وسلم غيسون سيدة خديجة سيدة زمرة نو سيدة ثورة بنت زمرة سيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق سيدة حفصة بنت عمر سيدة زينب بنت خزيمة الهلالية سيدة هند أم سلمة بنت أبي أمية سيدة زينب بنت جحش مغيام انت سيدة جويرية بنت الحارث المستلقية مميغة خمنتنا تي غزوة رضي الله عن الجميع تي غزوة المريسية تي لا تي لنكو جابي وان جامي انت بساء السلام مجوكو داد كوي دف غر داد كوي جل تاك كو صحنا واتح كانت بام كوي تاكنا نيكونا بنت دوم مانم amon na ci at 20 sana manam ñaar fukki at tu wala manam tu fiat ñuy genn aduna sanata atum 65 manam jurom fuk ak jurom ben moy 65 après le jour ci le genn aduna radiyallahu anha tazawajaha tak nako jol nako soxna mom yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam te musallam ci mom sarata atum 60 jurom bennal mi nañu jere ci gaday wa qila wa khayfna khams jurom manam moy ci khazatu muraysi am amé moy atum jurom bennal la haqiqatan wala manam day wax le am nañu wax jurom yon ki na mais moy atum jurom bennal wala xam nga mom yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam bu koy jël sax dafa ñew xam nga ko dañu jappone ay jammi mom nak parti mom ci bopom mu daal dikoy jël bu mu ko jëlé soxna nga gis wa gox bi banu mustalq yef daal ñew daal yeen ci bo bax ñu tak lu suñu doom nangam nangam daal ñew tuk wala lool tamit bon amna benen bir bu am solo fi fi point bi bu ñu waron tambalé jikki ko ci legal sama xel dem ni ci bima waxe ni ni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam hikma yi nga xamne ño nek ci le fait que mu beuri won ay soxna xam nga buñu xolé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaari période yu mak ci walu tak soxna mi manam ci walu negu seyum période bu ñëk bi sallallahu alayhi wasallam moy bi nga xamantene kenn rek la nekkal moy sayyidat khadija radhiyallahu anha fofu sax d'ailleurs ci lako yalla wursugale dom yi mu am bamu dess sayyidna ibrahim alayhi salam sino ñeneen ñi ci dess yef mi ngi len di am periode bobu non periode bobu dafa dundu monogamie total manam ben soxna rek la nekkal après mu am benen période bo xamantene dafa dundou polygamie vivre ñaari façon situation yépp benn bu ci nek mu won julit ñi ana lan lañuy doxal lolu tamit benn hikma la bu reuy bo xamantene moy parce que su fekkentene mom manam monogame la et que polygamie dagan ci l'islam té mom gis ñu ko mu doxal du meuna dox motax wax ji ibnu abbas wa radhiyallahu anhu ne ki gën ci yeen ki gën ci wala bok yentou sallallahu alayhi wasallam moko wax ibn abbas da ko deggé ci wala radi Allah anhu ki gën ci yeen moy ki ëpp soxna ci yeen lolu motax borom xoxam yi dañ ci wax rahmatullahi alayhi moy amana lim ci yiwlu moy mom bopam ndax mo ci gën ëpp ay soxna amana tamit day wone mérite bi nek ci am ay soxna yu bari ba pare yor len nang len wara yoré parce que tamit quoi qu'on puisse dire buñu gisé bi jigéen ñi ëppé goor ñi ak ni situation bi déme comme niko ñepp xamé di leen gis né képp ko xamantene yalla mayna la nga mën tenir yor ay soxna yu bari ba paré manu seen digënté yor leen yorine bu rafet c'est parce que vraiment ci ñu gën ci nit ñi nga bok ci ñu gën ci nit ñi nga bok khairukum kum li wax khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ki gën ci yeen moy ki gën ci njabotam te manam moy ay soxnam man ma gën ci sama njabot sallallahu alayhi wasallam manam kon yoyep day wone manam and ak soxna yu beuri nañ nangam mais mo gën ci ñom manam ni mu baxé won ni mu melon ni mu don doxale ak ñom et cetera bokku na ci sagesse kon yitax moy déjà le fait que muy jangal nit ñi naka lañ ko doxala bokku na ci sagesse yitax moy le fait que nit bari soxna xam nga yonté bi sallallahu alayhi wasallam dañu waxal né comme niko sahirun aw majnun njabar kat la wala bok xel mi dafa déssé té xam nga soxna yu bari kuko am c'est parce que vraiment do fo parce que so do fé kenn mën na la may dom mais duñ ñek ñaar waaw lool déjà mu daal di yëkëti lool bi ci dess mom moy njabar kat njabar kat mom mënul am soxna yu bari en tout cas yu dëkk ci benn bërepp pour une simple raison moy du tok fenn mom bu xëssé ba nekk fenn bala mom ci ndum moy ñew djema ki xaw ci ci koñ bi touti foxal gaay def ben affaire bo xamne mom rek lay xaw maîtriser touti mu xaw nek ki man gaay gis ko daal di commencer mam buñu mamé ñew ci mom le temps que muy lijeenti xaalisu gaay han triandel han gaay bala ñuy découvrir né mom manam manichéisme manam gravité dangerosité fekk na mu yollé ko na ba dem na yonam dañuy xey ñew ñepp commencé ñew suñu xaaliss suñu nangam suñu ki fekk na mu doxuna kuy def lool nak do mëna am soxna yu bari ah yoy yeb benen bir bi nga xamantene tamit lool da fay faral dem muy benen hikma moy comme ki ngiss ni ci sayna joyere bi radiyallahu anha ah c'est na tuer bi radiyallahu anha moy le fait que bu takke soxna ci day tax sen wa deuk dal di goro ak ñom te buñu goro wonte ak ñom duñu mëna ci di ko attaquer wala ñuy collaborer ak kenn ko xamantene day xex ak mom manam mu nek stratégie déjà wata mu nek yeneen sagesse du ti nek bokku na ci tamit yeneen sagesse moy comme par exemple ko xamantene mom comme niñ koy gisse ci kanam inshallah borom keureum dafa genn aduna mu ñu jël ko voilà comme ni mu dalé c'est Sauda ak mel non hein Seydou Oumou Salama ak ya ñoon et cetera hein ak Seydou Hafsa Rabela et cetera donc yoy yeb ay manam ay hikma la benen bi ci dess mom moy le fait que yaron tibi sallalahu alayhi wasallam leppum important leppum important detail yi gëna ndaw important ci dundam et que xamna ni bu amé ay jigéen ñu bëri ci wétam lolu day waral détail yi yi leen manam détail bu rëcc ki du rëcc kenen détail bu rëcc ki du rëcc kenen et que ñoom ñepp kenn ku ci nekk mëna am lu mu xam ci manam jangal lu mu jëlé ci ay jangalam bu ko bu defé mëna ko transmettre lolu tamit benen sens bu reuy la ndax xam nga bo sétlo bim fi joggé nga gis ñepp dañ daan ñew di joggé fu nekk di ñew sét ci yaayu julli ñi manam ummahatul mu'minin muy soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu ñu di laté wala di ki nan la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doxale li lan la da def ci li nangam nangam ñom tamit ñuy netami parce que ñom ñoo ëppol luñ do nekk ak mom ci gër gi kon ñeneen ñi nga xamantene ñoo ëppol luñ da nekk ak mom ci biti ñoo ñu ñu bari lañ ñoo ay milliers lañ mais ñi da nekk ak mom ci kër gi bu dé kenn rek la koku leg leg mëna am ay mbir yu ko rëcc wala yu mu faté wala yoy non mais leg may buñ bari day tax ba yu wala ñu mën transmettre lu bari ku nekk am lu mu dëkk okay ba para tamit budé kenn la wala ñaar koku bu gatté fan wala ñoon buñ gatté fan rek lu bari dina rëcc mais le fait que ñu bari chance bi day la multiplier wu pour buñu guddé fan manam bu ki gatté fan ké dañu gudd fan chance bi daal multiplier wu yépp ay hikma la yu nekk ci loolu bokku nak ci am ci xek may moy soxna yu bari gi ñuy bari ak bari ciosan horizon yu ñuy joggé ak ay ciosan day waral ñu bari ay jikko ak ay doxal yu wuté kenn ku ci nekk nak mu am nu muy doxal ak yow manam lo xamné day jangal xet bi né bo amé jigen bi mel ni ni ngay doxal ak mom budé façon bi la nak ni ngay doxal ak mom budé ni la lu mel nak ni ngay doxal ak mom manam mu nekk ay façon yu bari bari yo xamantene benn ku ci nekk buñ ko xolé jangat ko djel ko dinañu gis manam dinañu mëna jangal lu bare bare bare ci buntu bobu ala kulli halin bari na ay stages yo xamantene nek na ci mbir mom mais yi ni yennat la ci yo xamantene amal manam ñakul manam wa munef nako munef ko baña tudd sayyidatu juwayriya radiyallahu anha bokku na ci limu ragne ko won moy zikkar kat la won nan zikkar bu bari mom mo solo hadith bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekkon ko depuis bi mu xeye ba jeexitalu yor ga mu fekk ko muy zikkar rek bam koy jangal nan ko pourtant day mo yoron xetu ki yoy xeer yoy di bo diko wagn seydat joweri radiyallahu anhu di wagn xeer yi wala wagn diko wagn manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ne ko wa bobu ba legi angon fi mu ne ko wa mu ne ko pourtant day man day amna baat yo xamne suma wala ko jangalon boko waxe rek mo upp doole li nga fi nekkon yep digeunte bobu yep subhanallah wa bihamdihi ala la khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midad kalimatihi soko waxe ben yon mo gën li nga don ci kar yépp ya subhanallah wa bihamdihi ala la khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi wala xam nga kon comme sayyidat juwayri radhiyallahu anha niki non tamit manam comme sayyidat hafsa radhiyallahu anha nim melon manam qawwam sawama qawwama sawama am da dan nafile guddi lu bari ko fa da nan wor lu bari tamit yeyep ay xeti ngeenel la ak ay luy tekte le senu jagle senu ngeenel ak senu mbax na legui ki ci teggu mom moy sayyidatu rayhana radiyallahu anha mom itam sabaha dako jappi won jam mom yaron tibi sallallahu alayhi wasallam ni banu nadir moy wa banu nadir moy jurom ben jurom ñent fim taw jurom ñent wa radiyallahu anha wa rayhana mom kon yaron tibi sallallahu dako jitt banu nadir moy yahudi ndona ghazwatu banu nadir mom lañu wax ci suratul khashr ñu da melni koor daaw gi suñu fall mom la defal tafsir wala yu xet gog wala ghazwatu banu nadir fa deng a'taqaha gorel nako wa tazawwajaha te tak nako soxna sanata 60 atu juroom bennal minal hijra ci gadda yentu sallallahu alayhi wasallam momit at mom wala ramlaha rayhana hein ba no rayhana ah ah ki bi dafa am tombe yeek yoy wa no ramno rappel rayhana wa dafa tebbi en fait man ma teb ben li mom ma tebbi fi may ah ramla ah d'accord rayhana wa deng yanti bi sallallahu alayhi wasallam asdaqa kholal ataqha dako gorel wa tazawwajaha mutakko xam nga mom banu nadir la bokko mu japp ko go jam ni ko jappe jam moy même mok seret jaar joyeri ya radiyallahu anhu deng legi wa tazawwajaha ba pare mutakko manam dako gorel ba pare wolbeti ko takko bokut ak seret joyeri ya xamna daka djel manam parce que bof en fait jambu jigen soko jappé da ngay am droit manam jabaroko mais sauf que après du mu nek manam bo xese ba jabaro non surtout bu ci amé dom dom joju mom lañu tuddé manam soxna ci mom lañu tuddé umul walad moy soxna yi moy yaayu xalé bi manam yaayu dom ce qui fait que kokko doto meuna amati droit diko jaay doto am droit manam mom day goré ci sasé voilà ba paré day am même droit yi nga xamantene mom la soxna yu am donc kokku manam mom soxna la manam do obligé ça veut dire que liko woutelé manam doxalin bobu liko woutelé doxalinu ki moy doxalin bi ci dess moy bimu doxalé ak sayyidat rayhana radiyallahu anha liko woutelé doxalin bu jëk bi moy balenalé amul tian alors que bi ni moy dang ko djel gorel nako ba pare legui mom bopam ma ne wolbeuti ko wane ko wa mais nak beug na la tak kokku bokut bu ko nexe mo ne non buguma te day goré parce que goré na ba pare ya ko liber te goré mom tak ak fasé ñetti amul kaf comme li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam salasatun jidduhunna jidd wa hasduhunna jidd ñet la yo xamantene sen manam wax manam ak sen manam sérieux manam nga wax avec sérieux mo nga manam sérieux la fulla gi fulla la kaf gi fulla la tay buñ door waxtaan ni té mom moy lan moy tak fasé ak goral buñ doon waxtaan man nga bamu yag nga am sa ben dom bu rombu manela ah ki ku ko djur nga ni mana manela ah dom ko may nga ni ma may na lako legi sama jabar bu mako fasé wul sama jabaral la fek fasé gumo ko sama jabar la ah faut bien choisir ses mots. Légui légui lolou mo xam da nga yow bi nga koy wax da nga sérieux wala bi ngay wax da nga don kaf dima mbala ak lu muti xew mbir mi mom nim demé nako ba pat man mom fim tollu man rek may xol ndax da nga koy fassé bi bu ne xinga fassé war ko ci condition yoy ah mo neex ma fa sako mais sama jabar la on ko mën nga jël yob waaw leg leg tamit amna amna benen tamit moy ah moy mari waaw manam yor soxna simi di fo way par kala yow de yi gis nga nak bi boko fi defate sa togu sa xorom yi boko fi indete han de nga dama lay fassé han dama lay may sa bat han ngal mo yow ñëmé woko de waxal ma dégg man légui may na la sa bat wa bobu da jallona fassé am manam même boudé dang koy café mi fassé am moy yow am nga ben luy manam mën nga ko jëlat ñu am nga ben passé bo dé kafat ba kafé wat ko ñaar yoon nga kafat ba kafé wat ko muy ñett yoon lolu moy fék amatul jëkkeur ba joté ak jëkkeur jodu ba jëkkeur jodu fassé wat ko ci téyu bakanam moy su moy yow mënatu ci jox way dox Allah yalla ñu yalla sam amin ah ah yalla ñu yalla sam amin parce que légui bari na ay jigen yoy waxtana du benn du ñaar mais da ngay déggé ci seen wax né ñom lañ leen fassé manam upp de 30 40 fois d'ailleurs sax ñom dañuy wax né seen jëkkeur manam mom lañuy lané noyé manam mom manam bu ñuy wax sax manam baatu fassé na la lu rapide manam lu rapide lu gaaw la ci seen lamine lu seen lamine mom baatu fassé na la daf ci jaar bu mais ñoo jappu wuñ ko comme étant graw na au moment où dañ doon xulo rek mu ne ko fassé na la jeexna alors que lolu fassé gi day dox amna ci kumu mësa wax sax ndaysan benn bëss bama wax ko ni ko ah wax dëgg yalla day jeexna nangam mu wo ma nan ma no affaire bi légui waji ne jabar di mo ko wax mu ne ko wa mais bu fekkante ne yow fassé nga ko plus de 20 30 fois même jabar di lolu wax man xawmu mais c'est pas bu fekkante ne lolu mais il l'a dit plus de 20 30 fois ça mais man ko mais est-ce que xam nga ni yeen kon mënatu len ci hein jeexna wa après waji woma bima wax ne ma woy non mais man dama bëgg xam rek est-ce que lolu moy atté bi man ko mais bien sûr ouais mais non fa non man nak mom non dama bëgg xam mais yalla do bari ni yeur ma de quoi non vraiment ko bu de ki do wala man ko d'accord mais bi de moy atti bi ay de yeur li ba bon après nak mu mutti d'accord mais quelques semaines après mu wowat nan ma non mais non wax nañ ma né affaire bi bu fekke djublu mu ko ci won wala damay ki man ko xay nga lan da affaire bi mi ngir mi li la c'est à dire que xamuma parce que ñu bëri dañu laxat ci ginnaw xawmuko won man ko dogu yé lool du lay dé du argument dé xawmu non xamuma xam nga bakkar bu mën do ñak ko xam du tax do am bakkar conséquence dé maintenant bu fekkenté né luñu tek punition la ci nit ki ci aduna comme par exemple ku sat dañu wara dag loxom wala ku ray nit dañ lay ray lolu ñak xamne baaxul mën na tax manam ñak xamne dafa haram mën na tax bañu épargner la punition bi mais ñak xamne lolu moy nek conséquence bi manam que ni ah comme dañu sacc xawmu won ni nonu la grawé c'est à dire que xamone na ni ga dañ koy téré mais xawmu won ni day waral ñu dag loxo lolu du téré ñu dag loxo nit ki manam amna différence entre ñak xam ci jëmi bopum complètement ak ñak xamne mbir mi li lay waral d'accord mais lool mom moy atté yi nga xamantene dañuy tek punition sentence bi nga xamne la mom dafa leer comme dañuy dag loxo bi dañuy dañ koy door ay témer yar dañ koy et cetera xet gogou dañ koy door 80 coup wala yoy comme ku nan sangara ba mandi fete xamul won ni limu nan sangara kok xam nga bokul kokou bokul mom dafa fogone ben xetu boisson la muy nan di xol ah wa bi di musmo ko boisson di ba nak ni xawmako bo dekk dekk mandi han ko ken du ko tek atté hein mais ki ñi tek atté moy ki nga xamné mom xamna né nan sangara baaxul mais xamul won né ndekete ko nan sangara day am da nga dañ la wara door 80 coup wala 50 coup ci yeneen massa ci muhammad yeneen muhammad rahmatullah pam ran amna différence wala ba ci sax bu fekkentene dama jël ndox par exemple tay bu fekkentene dama jël ndox wala bouteille wala jus may nan mais man bima koy nan mangi sama xelangi ci sangara manam mangi nan jus bi di yene nan sangara manam soit limay nan ni dama fogone sangara la fekk duko ko ken duma door yar yi ken duma door yar yi mais dina am bakaru ko nan sangara ndax yene bi innamal a'malu binniyat comprendre lol moy suma ko non nan mais dama bëggon nan sangara ndekete dama jaawale lima nan bouteille bi ndekete jus bo okay la orange la ndekete du sangara wala jus raisin la quoi raisin wala voilà parce que comme par wala bisap la mu xaw nu rok vin rouge wa wala pomme bi jus de pomme manam mu xaw nu rok sangara ma jaawale ko koku dina am bakkar mais du mu mën door parce que difuma affaire bi par contre su fekkentene dama jël bouteille sangara ma diko nan manam manam may nan sangara lool du manam may nan pomme bi gis ni manam mais man sama xel manam mangi takamtiku gougu sangara manam ci sama xel wa gougu sangara lay takamtiku koku tamit dina am bakkar mais ken duma tek finition ken duma door par exemple moy comme ki nga xamantene tamit dafa ñew yene ndialo ak keneen ndekete ki mu nekkal soxnam la koku kenn duko door kenn duko rajmu mais dina am bakkar ku ndialo wala bok mu nekk soxnam mais mom xelam ni mi ngi imaginer ni keneen la nekkal ku bokku tok soxnam manam andak ne soxnam la nekkal ni kok tam day am bakaru ndialo andak ne du am han andak ne kenn duko mun rajmu kenn duko mun def tek punition yoy par contre suma deme djel touti sangara dugal ko ci ndokh kasu ndokh tok sangar mu dugal ko ci kasu ndox ciap ci mosko dañ may door ñu door 80 kuy manam sangara ci du man di ci moy waral ñu door ma dedet sangara yu ci jëmi bop moy waral ñu door mo jëlé ben tok bi ak ci loko mu tuddu li a part bi mo ulul def goko ek dang ko def siama mo nga tay ko voilà bo pare nan ko lolo dañ lay wor wax lolo dur donc lolo yoy ay mur la yu bon yoy yep da ngay gis day dugut bo xolaté ci ba ci buntu yene ak solo gi mo am solo wala mais mbir mi non la demé wala non parfum yi tamit day dubaré parfum yi nga xamanteni dañu am sangara ñom ak ki bi ñoyam manam ñom parce que en fait xam nga lolu masala la bu am solo manam déjà buñu déparé ci base que né sangara sobé la comme ni mu nekké manam ijma borom xam xam ni rahmatullah alayhi bamou dess luñu askanale hikaya la ci rabia ra'i ak wax bo xamantene al imam daoud az-zahiri rahmatullah alayhi mom moko wax mais mazhab zahiri anduñu ak mom ci mazhab ci masala bob buñu genné wax jojo ijma borom xam xam moy sangara sobe la bamou dess ñu mujju ni ñuy wax né sangara mën na bañ ñax sobe nangam nangam nangam nangam et cetera mais sinon borom xam ñu ñëkki ni ba ci génération yu mujji ñom ñep loolu lañ doon wax légui donc buñu déparé ci base bobu rek que ni sangara sobe la hein légui touti sobe bu mako dougalé ci ndox té soppiwul tiafka gi soppiwul xet bi soppiwul melo wi ci ndox la wax waxuma la ci benen liquide bu wuk ndox lolu rek borom xam ni dañoo wouté ndax ndox mi day soppé ko su fekente ne ndox mi bari wut agul ci kulata yi environ 247 wala 260 litres bu fekente ne yegul fofu rek touti sangara bu mako dougalé ci bir ndox mom day sobé wouté nañ ci ndax ndox mi sobé la wala du sobé déjà and ak né amana li gëna dëgeul inshallah moy li mazhab maliki ak zahiri rahmatullah alayhi moy né ndox mi du du sobé wu parce que soppul tiaf ko soppul xel soppul manam mais le fait que yantib sallalahu alayhi wasallam ne ndox mom innal ma atahuru la yajlisuhu shay ndox dafa lap te dafa labalat te dara du ko sobe lolou mafhumu mukhalafa bi moy le lenen lulul ndox amul pouvoir bob manam ndox mom mo am pouvoiru lap te labalat te dara du ko sobe di défendre bopam lolou ndox ko am wala mais benen ndox benen lenen lulul ndox amul lo lenen lulul ndox bo jere sobe bu ndaw dugal ko ci daf koy yak da koy alter da koy soppi da koy def sobe mum tam buñ deme ci base bobu suma jele sangara muy alcool ma dugal ko ci parfum parce que liquide la parfum bi day yak day yak ndax sababu sangara ci té lolu non même buñu déparé won ci base bu am solo même buñu déparé won ci base légui nañ jëk jël base bi nga xamné mom moy né sangara du sobé wala bok sangara sobé la nañ jëk jël base bob bu mako jëlé kon mu nekk touti sobé ma duggal ko ci liquide bi nga xamantene concentration bi mu nekké concentration bi daf ci tassaro parce que da ngay gis ñu def concentration alcool nangam bu boba liquide bobu suma ko jëlé man mu ma laal ko sama yaram moy ma ngi laal sobe sama yaram té même dindi sobe ci julli warna wala warul même boudé borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté borom xam xamu maliki rahmatullah alayhim ñoo ci wouté né manam né du lan né def sobe manam né dindi sobe manam mo xam sama yaram la wala sama yéré la wala place bi may jullé ma dindi sobe bi lolu ñom rek ñoo am wouté ci né warna wala waru ndax sunna la wala dafa war ñom ñoo ci wouté andak ne bo xolé mazhab bi ci liñ ko banir ci liñ ko tabaxé ci liñ ko tabaxé ci mbolé masala yi boko dé top da ngay gis né dañ ko tabaxé ci kaw né dafa war dañ ko tabaxé ci kaw né dafa war mais dañ ko woutal ñaari condition moy mo mën ko dindi ak ma fatali ko ce qui fait que ni bo xolé kon lolu même ci mazhab maliki and ak li wouté bi tar yépp bo xolé lolu mo ci gëna dëgër té lolu mom moy ñom ci seen bop ci seen mazhab li ñuy jëfé té li wone ni dindi wax bo ala kulli hal pour gattal dindi sobe bobu kon dafa war soudé lan fataliku nako té mëna ko dindi ce qui veut dire que ni kon duñu ma permettre ma diko djel man diko def sama yaram diko def sama yere diko def place bi may julli té lolu mom moy mazhab maliki rek ñoo wuté ci lolu ci biir yeneen mazahib yi sino ñu ci dess yépp dañ wax la dafa war té bokku na ci likoy deugëral moy hadith ibn Abbas radiyallahu anhu moy mi nek ci ñaar sahabi moy bi mu ñëwé ci bammel bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan innama huma la yu'adhabani wama yu'adhabani fi kabir bal huwa kabir ñaar ñi de ñi ngi leen di mbugal te mbugaluñ leen ci lu reuy akan kay lu reuy la sax manam mbugaluñ leen ci lu reuy manam ci lu reuy ñom bañ koy def jappu wuñ ko lu garaw wala bok lu leen yomb la won mu daali wolbatiku daani akan kay lu reuy la ki ci ku ñëk ki mu ne fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ku ñëk ki da na ndox di rambaaje mu ne wa amma al akhar fa kana la yattaqi al bawl ci benen riwaya min sawbi keneen ki mom daanul moy tan diko won yere manam yereem di tak ay manam bu daan tour ndox bu daan saw daanul won moy tan diko saw yi di dal ci yere yi kon lolou day tekkale le fait que sobe bobu nek ci parce que saw buñu dakk bu fekente ne mom sobe la mo ngi yenen sobe dañuy daal bokkaté ak yenen le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam di diglé nañuy raxas sobe manam nañ koy raxas moy tekkale ne raxas gi dafa war parce que su fekonté ne waru konontone du nek di wax ni nagn ko digal andak ne yenen ñu ci dess am nañu ay dalil comme ni nga xamne insha allah buntu biñ tollu ci bulughul maram insha allah dinañu leral masala bobu ak tekantale ak wute yi ci borom ko xam wute rahmatullah alayhi ak ci ak seen ay dalil insha allah mais buñu xolé fi ci masala bi ñu ne di nga gis ne suma jëlé sobe kon ma tek ko ci sama yere wala ma lal ko ci sama yaram sik nekul ci ne buñu xolé rek même banire mbir mi ci li gëna deugar ci mazhab maliki rahmatullah alayhi ak li nga xamantene mom la yenen mazhabi wax da ngay gis ne dindi sobe bobu manam lolou da fay daali war ci kaw lolou moy buma julle ak lolou ci tay ko sama julle lu bax lolou lay tek parce que ki dul won moy tandiko saw yi problème bi yépp problème jullem la après conséquence yi ñu am ci jullem kessé la parce que dindi sobe conséquence bi ben kessé la moy julli légui suñu départé tamit ci lool moy su fekente ne dañoo départ ci base bi nga xamantene moy wax gi nga xamne mom mo depo li bor li ñu mëna dog ci ne moy atté bi moy ne sangara sobe la alcool sobe la légi ñu dem trans ñu dem ci buñu natalé né alcool sangara du sobé légi ñu délu ci wat ci question bi ci anam gogou buñu natalé né sangara du sobé tamit da fay haram c'est-à-dire que jëluma sobé ma tek ko ci sama yaram sama yëri wala place bi ma jullé wala sama yaram mais damay jël atté bi ci kaw na borom bi subhanahu wa ta'ala bi waxé ci sangara dañu fajj tanibu na ngeen ko moytandiko na ngeen ko sori ittinap mo man tanibu ngeen ko sori li nga xamantene dañ ñu mëna ko sori day da di haram mu diko utiliser diko jël diko def sama yaram wala sama yere wala place bu may julle manam ci kaw lolu kon du yaq sama julli bam dess ci ban mazhab mazhab hanbali parce que ñom pour ñom téré gi obligatoirement day waral ak yaq manam annah yaqdi al fasad ñom pour ñom ci mazhab ci seen usul moy téré day waral obligatoirement ak yaq mazhab hanbali ko rahmatullah buñ ko sukkandiko fofu koku nonu sax julle du baax contrairement ak ñi nga xamne mom moy mazhab shafi ak maliki ak hanafi rahmatullah alayhim ci bobu masala parce que ñom dañu wut ay tekantal yu gëna yaatu comme ni nga xamne gisoon nañu usul masala bobu tam ci yakarna juroomé lu hadith bi le ci bulughul maram wala alhamdullah donc li tamit benen ay mbir lay wax xamne yo wala yu mata baye xal kon ñett ngi ni sen fulla fulla la sen kaf fulla la tak fasé ak gorel jam bo doon waxtaan ak sa jam baniko gorel na la ci kaf amul ne dama don kaf no xam nga ni damay kaf rek xam nga ni yow duma la gorel lolu amu ci ya gëna tay ni xam nga yoy ay kaf la rek waxu politiciens la waxu kiir dedet leg bu nekké mo bëgg ko ko wax té ñom ñaar ak ñu nekk koku mom wa mais mom bu wëddi wul ni moko waxon mom wëddi wul ni moko waxon mais daf ni day kaf bof la atté bi du mëna nekk mais sino bu amul te moyen mu weddi de mom mu weddi ne moko wor bo wa atté bi du téwu ci kaw dañ leen di watlo kessé non lañ mëna wax voilà voilà moy comme li qa'ida bi wax hadith bi limu wax hadith la en fait bu nek sunu mom bayyak rahmatullah mu ne al bayanu lil mudda'i mun al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala al mudda'i 'alayhi ki nga xamantene moy wote wo lol qaida bu am solo la lolou day dox ci lepp te lolou même bo juger ay nit ci lu mu ndon première chose bi il faut que nga xamé ñaari xéetu nit ñi kan moy al mudda'i ak kan moy al mudda'a alay kan moy ki wote wo xamono ne ko te parti accusateur ak l'accusé ñaar ñi il faut nga xamé len fé xamé wo len do mun até manam ñom ñaar mënu ñu ñëw di wax nga jaawale pédale manam mu melni accusé bi mom lañ mom moy accusateur parce que parfois mën na bëri wax ño xamné day tax nga mujjë wëlbuti affaire yi fogné accusé wu non non juge bi tout temps dafa war di mën xamé kan moy accusé kan moy accusateur wa parti civil ak parti défense voilà ñom ñaar il faut mu xamé len wala legui yentib lim wax sallallahu alayhi wasallam qaida bim joxe fofu moy ku wote ku ne mom ki wote mom moy indi ay preuve manam kon parti accusé bi accusateur parti civil bi momo wara indi ay argument yu waré ni manam mbir mi ni la dañ ki nga xamantene nak mom bu fekkante ne mom amul preuve tamit duñu bayyi waje mu dem parce que amul preuve ah mais dañ koy watlo dañ koy watlo ci yalla su nango wat nak après mu dem d'accord motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mais comme hadith bi nek sahih waji dafa ñew ak am ben nafiq bo xamantene dafa jël soufam mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ki dafa jël sama souf mais comme que ba paré ne moko mom mu ñew yow am nga ay argument yi wone ni sous souf la jël parce que yow ya accusé mu ne ko non c'est que manam amul won argument ndaysan mu ne ki ñu accusé al mudda alayhi ne ko mais yow kon da ngay wat watal ne souci ya ko mo accusé bi ne mais yentim sallallahu alayhi wasallam ki xamna ko ragalul yalla day war bi du dara ci mom munel la am liku illa ha man mom mo luddul li après ci la ne kep ko xamantene nak dafa am alalu jambour bu mu wote wo ba tax man ma atté jox ko ko ci togn gumu togn après mom ak yalla voilà après mom ak yalla moto alcorane amna ben ay bi nek ci sourate an-nisa la yakarna bu non moy yu wax ci affaireu alali bu amna ben exactement ci hadith bobu ci motax mu wat ci circonstance bobu la bam nan ku jël alalu jambour ni yalla dana ko reub et cetera mam ci togn ko yalla dana ko reub aduna ak al-akhirah te dana am bugal mutax et cetera dama jappatul ban ay la ci ay wax ci yoy ne ci ayo lol mom motax hadith bobu motax ay bobu wat donc kon yi bu boba ki go kok tamit non lay rek lañu def lañu leen di yobbu ci kanam juge bi jamm bi ne ñu indi preuve yu wara ne mom mo waje ko wax bu fekkentene waji mo mënu indi preuve yu wara ni waje ko wax ndax amul kenn ku séré amul tamit ben affect wax di kenn en séré wu ko et cetera legui ñu daal di wo waji ci dess ñu daal ni borom wa yow sang bi ñu ko wa yow est ce que mën nga waté luy waxoko bu waté dañ leen di bayyi ni do ki nekkat jam ki nekkat sang su fekente nangul wat nak ñu xamne kon naka lu tax mango wat way kon xam nañ ni affaire bi hein deug wala non non kon mom kon sayyidat rayhana radhiyallahu anha mom bako yantou sallallahu alayhi wasallam gorele après nak dako watazawajaha mu takko kany sanata 60 jurom benel adu min hijra ci gadagi wa asdaqaha mu dar koy cene 12 uqiya manu fuk ak ñaar ci ay uqiya tu fiat mu dal di genn aduna sanata 10 manu fuk ci lat bi ci gadagi yantou sallallahu alayhi wasallam manam kon mom mo ndiek genn aduna yantibi ñaata uqiya sallallahu alayhi wasallam 12 legui ñu jall ci kenen ramlat bint habiba bint abi sufyan sahr ibn harb radiyallahu anhuma bayam xam nañ ko moy mom ramla la tuddu dakantalam moy habiba soxna ramla la tuddu wa dakantalam moy habiba domu abu sufyan la radiyallahu anhuma mom mu ngi tuddu kon abu sufyan mu ngi tuddu mom mi ngi tuddu sahr ibn harb xam nañ ko rais quraish mom moy jitu wa quraish mom mo nekkon sen kilifa bi fathu makka ci la toubse hein voilà fathu makka ci la toube et que sababu toubam xam nga abu sufyan radi Allah moy nek genre yi nga xamne comme anglais lañ mel c'est que bo xolé occidentaux yi da ngay gis nit ñal da ngay ci gis ne manam yéfer yi nekkon makka bo leen sétlo ci société occidentale dañu gis ñu xaw bari ñu rangal même français yi nga xam tane borom ala lañ chef d'entreprise la France d'en haut comme ñi wax non ñom non lañ mel taw ñom comme anglais lañ man ñom amuñu problème ak ay l'islam ay ñom amuñu problème ak bop bo ci waxtaan ak kenn bo tassé bo démé bo fréquenté lén ni di nga xamné ñom non vraiment amuñu problème ki appliquer diiné mo ki appliquer wu ñom bénn problème lañ am moy sen alal ji wa ñom dal li sen cioy yépp moy man sen affaireu idéologie yoy ngeen di wax man intéressé wu lima intéressé moy sama alal ji numay def ñom mo lo ci gis même da ngay gis boy setan actualité dang koy sen da ngay sennu buñu démé ba wax lo xamantene affaire bi malgré que andout ak sen ay idéologie démocratique nangam mais wax nañ dal affaire bi nak enjeu financier daf ci commencé bari rek dañ nan xam ngeen lan la affaire yi dal mañ len baye ak sen tité ñun ñu topato sun alal parce que tam il y a beaucoup d'enjeux économiques là bas c'est un marché nangam yoy lañ wax manam lool moy la France d'en haut beaucoup de la France d'en bas nga xamantene ñom dañuy concentrer tout le temps ci dañuy bëgg nga melni ñom di solo ni ñi solo di waxe ni ñi waxe di doxale ni ñi doxale et cetera manam ñom bokku voilà légui nak anglo-saxon yi dañu nuro la France d'en haut ñom dañu nuro ñom motax ñom amuñu problème bobu mais comme la France d'en bas dañu bëri mass bu réré né parce que comme niko Jospin waxe hein France c'est un pays riche mais avec beaucoup de pauvres voilà hein c'est ça ñom ñoy la France d'en bas donc ñom li ëpp ci ñi voter ñom la donc politiciens tout temps dañuy bayyi xel seen wax dañuy bayyi xel seen xalaat dañuy bayyi xel ñu dox rek donc loolu motax nga gis politique France mel ni mu mel mais c'est pas que ñom ci seen bop sax ñom ñu ne ci kaw non lañuy xalaaté non bo leen fekké dans une sphère privée ni di nga gis né bokku ñu ak deug ni ñi fégnal ni buñu nekké ci karamu télé bi non ça n'a rien à voir ay xéet yeneen xéetu nit lay légui Abu Sufyan radhiyallahu mom ci côté bobu la bokkon manam moy ñi nga xamné ñom li leen amal solo daal ñu sax ay affaire idéologique yi l'islam waji mané gaay buñ fi bëggé woté sen l'islam nañ leen baye mais ñu la lenn lañuy wax sun économie bi mo bu kenn la parce économie bi daal voilà motax mom bu gaay daan wax naan ki dafa wax sagana suñu yalla yi ha mi yeen timi def sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa saga suñu yalla yi dafa ki nangam na ni xam ngeen lan la man yoyu top tuum man dal bu fekke suñu économie bi laluko man doolu man moy sama problème parce que sama problème voilà parce que ñoo lool mo nekkon mom loolo nekkon problème mom lool mo nekkon problème voilà té moy comme anglo-saxon ñom fi yow yaangi ñew bo ñewé di nga liggé di nga fayé info da ngay def li da ngay ki ni mais ñom seen yoon nekul ci noy solo ak noy su diiné nokoy pratiquer ñom seen yoon nekul ci ñew la neex moy liggéey seen yoon nekul mais non yow compétent wol rek yow dal bu fekkenté le liggéey buñ la ko joxé di nga ko défar bax doyna ça suffit voilà melal mu la neex so bëggé sax ñolay wutal tenu bu tollo bu nuro ak yow ni nga bëgg di solo amu problème so bëggé bu heureu julli joxé ñum sax ci bureau bi fi lañ lay wutal hein fo xamantene dañ fi mëna jullé sa yu heureu julli joté pourvu que bu fekkenté né so jullé ba paré da ngay gëna sentir bien pour mëna liggéey bu baax accé démal julli ci ñom manam ñom amuñu problème bobu mais si mentalité bokkuñ xam nga kon contrairement ak français nga xamantene ñom plutôt sen manam dañu bëri ay valeur yu ñu défendre ay bon valeur entre guillemets manam et cetera manam apparence bi da am solo ci ñom hein ki nu mel ni lay waxé ni lay doxé ni lay mel ni lay def ni lay ñom dafa am solo ci ñom bon comme sénégalais yow aussi hein sen doom yi voilà légui bon motax Abu Sufyan radiyallahu anhu motax li ñom Abu Jahl nak ñom gaay yoy ñom liñ doon son ñom Abu Lahab ak gaay yoy mom lool nekku won problème am ñom ño daan and ga ci di xex yonte bi salalahu alayhi wasallam mais ñom bokku ñu woon ay objectif lool mom motax biñ demé ba Fatkh Makka am mom mu tuwum sincère manam mu gaaw ñew rek tuup ci parce que bon il y a plus danger à amul enjeu économique buñ fi défendre rat fi nañ dem parce que mom liko don sonal aussi liko likuy moy mom dafa japp ne lolu ki vraiment luñ bëgg mën ta ne quoi parce que ñun ak niñu xamé nga xam tane ñun kaaba gi lañ ñu xamé hein suñu kaaba gi 360 yalla yi fi nek chaque jour am ñu ñew jugé fu nek ci aduna bi mu nek foat ñuy mëna jaay suñu commerce bi di dox hein ak suñu prestige surtout bi nga xamantene kaaba gi moonu ko may ndax fepp ci aduna bi ñun buñu démé di jaay di fenen moy rahmatu shita wa sayf bobu alquran di wax hein été ak hiver bi buñu démé manam sen caravane yi hein nga xétu bon import export lañ doon def quoi bon mën nañ ko tuddé non hein ci sen ki voilà dem été wuji feulé après hiver ji wu feulé et cetera mais buñu démé ñiep dañuy bëgg jënd ci ñom parce que dañuy bëgg tamit ñom buñu leen dé jaay ñu jaay leen ci ndëggu yomb lan motax parce que ñi ñom ño nekk ci kaaba nga manam ñi ño juggé ci kaaba nga neegu yalla bi ñu donc et puis ñun dañ fay di dem difa def di tourisme difa xam nga enjeu touristique le enjeu économique le parce que dañ fay faral di dem tamit di wuti ji di dem kenn ñun am nañ yalla bu ñu représenter fofa manam bo xamné buñ fa démé bu heureu suñu bis su joté ci at bi rek dañuy dem ñun tamit yobale suñu marchandise affaire yépp yomb fofu légui nak mom mune mom limu li moko téré won tout manam mom dafa ni écoutez si on fait le calcul économiquement c'est clair hein bis bu ñu nango diiné ji Muhammad sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñu tous nos enjeux économiques seront remis en cause voilà. Voilà, nos intérêts seront bafoués, voilà. Et voilà, les guides. Voilà quoi. Sous nous, qui, nous tous, concurrents, d'ailleurs, ils ont des droits sur nous. Parce que, tout simplement, nous avons le calcul, nous avons fait vite fait. Moi, là. Su toubé su ñun ñepp bu ñéké ay julit nangul limu wax moy au lieu mu nekk 360 yalla yi légui dañuy dindi yépp mu dess bi nga xamné kenn duko gis ce qui fait que légui gaay seen pèlerinage yi nga xamné chaque jour dañuy ñëw foar yi di bëri di am ak yoy non légui lool do amati déjà économiquement tourisme bi day wañé ku manam ya tout ta de manam tout est remis en cause et que ñun buñu dématé fénen hein suñu intérêt fofu ak suñu diplomatie bi fofu hein de remettre en cause et que lool day am ay enjeux économiques donc mom non ni mënuñu ko nang mom lool moko déranger won jexna amul leneen lu ko ci déranger ñu jaamu ben yalla ala rigueur mom am du problème mais pourvu que économiquement mo baña am problème mom lolu motax mom bi mu ñëwé tour rek nga gis Fatkh Makka bi mu amé rek and ak né mom mo nékkon chef wa Quraysh yépp dafa dal tour ci saasi mais tranquillement amu ben problème dafa ñëw tour ba paré sincère tour gi sur parce que liko téré won tout du question idéologique parce que ki nga xamantene mom mo nakaré toubal et que toubam du gawa sincère su fekkentene dafa nek ci force manam armée ni bu moy ki nga xamné idéologiquement moy problème voilà deng domam ji légui nak kon lolu bon bok na ci moy ni Fatkh Makka le dafa toub parce que pour raison bima la wax amna benen raison buñuy wax moy ne yentou sallallahu bi mu takke doom bi mu ne o ko bu ponkal la mais sama doom la tak xol ni mu baxé ak ni mako nono wé mu dem takki sama doom hein wala manam ñom dañu gissone lool mu nek lu reey reey reey wala ñu wax na tamit lool wala dafa tax tours deeng kon hajarat manam kon sayyidatu ramla radiyallahu anha ummu habiba radiyallahu anha mune hajarat mom dafa gaday ma zawjaha ak borom keureum abdullah ibn jahsh ci li moy benen raison biñ doon wax na dinañ ci ñew sank ci sox ci tak yi li waral yeen ci sallallahu alayhi wasallam tak yeen soxna yi moy dafa gadda yon fele ci habasha wala ma zawja andak borom keureum abdullah ibn jahsh non la tudon ila ardul habasha ci soufa habasha fata nafara mudadi nasaranu fofa wa mata mudadi de da fa dem febar fa da do fay man da fay soppe kum nasaran yalla nani yalla sam ha legi bi jeukeram nasarano fofo defa té munu ñu bisu makka parce que domam parce que papa mom dafa nono won yentou sallallahu alayhi wasallam jamono jojja te mom mo nekkon kilifa wa quraish donc mbir mi xawona metti lol sax ci mom imagine mel situation bi ni mo wara mel te mom rek mo na saram manam benn nit mo dugg ci l'islam ci ñi demone habasha ba pare genn ci moy mom abdullah ibn jahsh mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam takko lolou tam benen raison la wa defal ko gis nga lolou amna wala deng motax bagn koy maye mu ngi ju wax fi ci benen mune wa asdaqaha chanenako an wulif ko an najashi radiyallahu anhu moy bour bobu moy la wax na negis moy an najashi moy buru ethiopie mom mo mom dafa tuubon nek julit mom mo ki wal yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko najashi ki mu ku yemi la manam deja bur la won et que wa ni mu bouré won nangou ñu wona dugg ci diiné ji mais mom dafa tenir bon après lepp jall normalat waaw nangou ñu dugg ci l'islam mais mom dafa tenir bon bi ciowlu bare melul comme Hiraql bi nga xamantene bi ciowlu commencé ki war rek da delu ginnaw han lol ben la ñaaral bi moy manam mom moy chrétien bi nek duggu ci l'islam on na tassu rebeba ñettel bi moy badar bokku na ci non la lay won ni mu niko manam ne amon na may yalla deug ndax kérok badar bi mu xewé mom duf ko yebul xamné pourtant ma nga éthiopie mais xamon na ni mu tak ben genre kala ci bat bi tok ci souf ci di ñaan mais fek yentibi sallalahu alayhi wasallam wa badar gagneewuñ wa yent dum gagneewuñ du jop Allah parce que yalla dako wonone ki bi quoi xare bi muy gis ma araka xare bi bi mu genee aduna tamit yentibi sallalahu alayhi wasallam julle nako andax moy salatu ghaib ak sahaba yi radiyallahu anhu dafa tok ne ki manam yegle ne an najashi genn aduna sayyidina jibril sallam tagina ko legi ñu daal ram ñom ñep ñu taxaw mu julle ko mais an najashi bi nak mom mo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam hi ki mom samam xew la ki mom samam xew bop la ma koy tian mu daal dikoy tiané 400 dinar ñent témeri dinar Ouais, 400 dinars. Alors, ben dinar environ... instant bini. Warna djégué... Parce que rouba au dinar... Rouba au dinar... Bon, an, bon bu, avant or, bi, avant que je me mette depuis les années 2008, yoy. Avant l'or, 50 euros, pour le dinar, moins 40. Côté environ 50 euros. Voilà. Mais nous avons 50 euros, ce qui fait que le dinar est 200 euros. 200 euros, nous avons 400. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ça. 8 000 euros. Non, non, hein? Ah, 8 000. Après 4 0, vous avez 8 000 euros, c'est ce que nous avons 1 million. Environ 5 millions côté. Ouais. Parce que 7,62 5000. 7,62 euros moins 5000. Donc ça veut dire 7620 euros moins 5 millions. Voilà. Donc madame kon yow kay yo 400 c'est ay 5 millions 500 400. Tawatal te jamono joju la wa tawatal wa wala jamono joju dafa amul valeur bokut ak legi wa mo ki mom xew mi mom samam xewa li la koy chalé wa na de nga daxala dug na biha ci mom sanata safatin jurum ñaarelu at bi ginna gadda yu sallam matam mi ngeen aduna non soxna ci bil madina ci madina munawara ala sakin afdalu sarto san sanata 44 atu ñeen fuk ñent 44 genn atu radiyallahu anha warḍaha wa ja'ala alifir rasulullah wa ha amin wala kon ñaara ñu déssé inshallah xamna jotay bi ñu ñu yeggal inshallah wallahu ta'ala alam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin